On commence. Dans la deuxième partie, on parle de l'inquiétude et de la fracturation du rayon. Alors, la première question qui viendrait à l'esprit quand on parle d'inquiétude, c'est l'individu est mal protégé dans sa vie. Il a de la difficulté à situer ce qui l'agresse. Et souvent, lorsqu'il est agressé, ben, il vit une mémoire, il absorbe un choc qui lui crée une mémoire et automatiquement, il vit une sensation de menace. Est-ce qu'il y a des moyens dans l'existence humaine de se protéger et donc conséquemment d'éliminer l'inquiétude? D'abord, il faut réaliser que ce qu'on considère, ce qu'on appelle de l'inquiétude, autrement dit, quand on vit des événements dans la vie qui ne font pas notre affaire ou qui nous inquiètent, parce que des événements qui nous inquiètent, ce sont des événements qui ne font pas notre affaire. Il faut qu'on réalise d'une façon de plus en plus intégrale ou absolue que c'est toujours un test de la vie au niveau de l'âme puis au niveau de l'ego. La vie, c'est un test. La vie sur la Terre, c'est une école. Mm-hmm. Donc, c'est toujours un test. Puis, même s'il y a des événements qui, effectivement, nous créent de l'inquiétude, puis c'est normal que ça nous crée de l'inquiétude, ainsi de suite, parce que les événements mènent à ça. Parce que ce sont des événements qui sont irréconciliables avec le bien-être ou la paix d'esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas tellement le phénomène de l'inquiétude ou l'évaluation qu'on fait d'un événement qui est important. C'est comment on traite avec. Mm-hmm. Je vous donne un exemple réellement simpliste, là. Vous avez, par exemple, un parent qui aime bien ses enfants, ainsi de suite, puis... un jour, l'enfant, il se fait frapper par une automobile, puis il meurt. Bon. Il est mort. Il n'y a rien à faire, il est mort. Qu'est-ce qui reste aux parents à faire? C'est pas d'évaluer la mortalité. C'est pas de dire, bon, mais qu'est-ce que Dieu m'a fait? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Whatever it is. Ce qui est important pour l'individu, c'est de comprendre que l'enfant, il est changé de plan. Il est retourné au monde de la mort, puis il est bien, il n'y a plus de problème. Nous autres, on reste pognés avec la mort. Mm-hmm. Fait que si le parent est moindrement intelligent, c'est évident qu'il va avoir une tristesse puis tout ça, parce qu'on aime nos enfants. Mais si le parent est moindrement intelligent, il va en arriver à pouvoir contrôler l'énergie de sa pensée qui l'affecte au niveau de sa mémoire. Fait que quel que soit l'événement dans la vie qui nous crée de l'inquiétude, ça fait toujours partie de la vie, puis ça fait toujours partie des tests de la vie. Puis plus on avance en conscience, puis qu'on est proche des... puis qu'on est proche de ce que je pourrais appeler les forces de vie. Quand on devient... je vais le développer ça un petit peu. Quand on est inconscient, on n'est pas proche des forces de vie. On les subit, ce qu'on appelle l'existence. Mais quand t'es conscient, puis tu vis une communication avec ta source sur le plan mental, t'as une grande, grande proximité avec les forces de vie. T'es capable de parler avec les forces de vie. Puis à ce moment-là, ben ça devient plus facile de supporter des événements puis pas vivre de l'inquiétude. Parce que les forces de vie ou ta source va t'expliquer d'une façon très, très froide que l'enfant a fini son temps sur le plan matériel, il est rendu sur un autre plan, etc. Mais quand tu es inconscient, tu n'as pas cette proximité-là. Fait que c'est très important pour l'homme qui vit une certaine inconscience de comprendre que la vie, c'est une game. C'est une game à différents niveaux. Puis être conscient, être intelligent, c'est pas se faire prendre à la game le moins possible. Okay. À ce moment-là, il y a nos réserves d'énergie qui sont très vitales, comme les émotions, on les protège. Ça affecte moins notre cœur puis nos organes. Donc, on a moins tendance à faiblir sur le plan physique, sur le plan de notre santé, ainsi de suite. Puis ça permet aussi de garder nos idées claires puis continuer notre parcours. Mm-hmm. Mais à cause de la mémoire puis à cause des sentiments très, très profonds qu'on vit par rapport à des événements, on a de la difficulté à comprendre puis à saisir que la vie, c'est une game. qu'est-ce que c'est de la conscience ou de la science de l'invisible ou de l'intelligence intégrale? C'est de comprendre ça une fois pour toutes que c'est une game. Fait qu'à ce moment-là, les événements qui se produisent, on est capable de traiter avec d'une façon intelligente, puis éventuellement, à cause du fait qu'on est dans un autre niveau d'équilibre psychique, psychologique, mental, émotif, mais ces événements-là, ils ne se produisent plus. Mm-hmm. Parce que l'homme sur la Terre, d'une manière ou d'une autre, il vit un certain karma. Il y a des expériences que l'homme doit vivre sur le plan matériel pour évoluer. Mais à un certain moment donné, il faut que ça arrête. L'homme ne peut pas vivre, comme je dis toujours, d'expérience, puis d'expérience, puis d'expérience, puis d'expérience. L'homme, il faut qu'il en arrive éventuellement à vivre, à avoir une conscience créatrice, à avoir, sentir qu'il a le contrôle de sa vie, savoir où ce qui s'en va, puis en arriver éventuellement à savoir où ce qui va s'aller dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais pour ça, ça demande une capacité de réellement vivre les événements au-dessus de l'évaluation psychologique qu'on leur donne en tant qu'être extrêmement fracturé. Vous parlez de la fracturation du rayon. Le rayon, c'est une énergie qui part des plans, du plan mental puis qui descend directement dans le cérébral de l'homme. Le rayon, c'est la source de la créativité humaine, c'est la source de la pensée humaine, et ainsi de suite. Puis l'homme, si on le regarde d'un point de vue occulte, ce rayon-là est toujours fracturé. Où est-ce qu'il se fracture? Il se fracture au niveau astral. C'est un petit peu comme la lumière du soleil, ça. La lumière du soleil, elle vient. Puis aussitôt qu'elle passe dans l'atmosphère, elle se fracture. Ça devient un arc-en-ciel. Alors, nos pensées, notre état mental, notre état psychologique, c'est comme si c'est un arc-en-ciel. On est toutes là dans différents états de couleurs. Des fois, on est dans le jaune, des fois, on est dans le bleu, des fois, on est dans le vert, des fois, on est dans le violet, des fois, on est dans le rouge. Au lieu d'être dans le blanc. Alors, pour que l'homme en arrive à être dans le blanc, autrement dit, être dans sa réalité, puis de pas vivre la fracturation de son rayon, faut qu'il comprenne que la vie, c'est programmé pour nous faire évoluer. Donc, la vie, c'est un test. Que tu sois inconscient, que tu sois conscient, c'est toujours un test. Puis si l'homme en arrive pas à cesser de toujours mettre de l'évaluation psychologique qui fait partie de la mémoire de sa race, qui va varier selon la race à laquelle il appartient. Si t'étais un juif, tu vas vivre l'événement d'une certaine façon. Si t'étais un arabe, tu vas le vivre d'une autre façon. Si t'étais un indien, tu vas le vivre d'une autre façon. Fait qu'à ce moment-là, ben, on vit pas notre réalité en tant qu'être intégral. On vit notre réalité en tant qu'être fractionné, appartenant à la conscience d'une race. Puis on est toujours victime de la conscience raciale qu'on a. Autrement dit, si t'es italien, tu vas vivre des événements de tous les jours en fonction d'une conscience collective italienne. Si t'es un hindou, tu vas le vivre comme un hindou. Si t'es un... On colore ça selon la mémoire de la race. Puis éventuellement, il faut qu'on en arrive à être des individus. Donc, des êtres qui ont une conscience universelle, qui peuvent comprendre le phénomène italien, arabe, juif, hindou, whatever, mais qui ne sont pas impliqués dedans. Ça demande une grande centricité. C'est facile d'être assis ici puis d'expliquer le phénomène existentiel de l'homme, mais c'est pas facile pour l'être humain de s'en sortir du phénomène existentiel. Mmh. Sortir de la phénoménologie de l'existence pour entrer dans la science vivante de ton esprit, de ta lumière sur le plan matériel, bon, mais ça, c'est l'évolution. C'est pas facile. Par contre, quand on sait, parce qu'on a des nouvelles données maintenant, quand on sait que la vie, c'est une game pour toujours tester nos émotions, tester notre mémoire, tester notre pensée, donc, ultimement, tester notre personnalité, pour qu'on arrive un jour à passer de la personnalité qui est une fragmentation du rayon à la personne qui est l'intégration du rayon, où finalement l'individu se sent intégral, solide, monolithique, capable d'affronter la vie dans toutes ses formes, puis capable en même temps de respecter les hommes dans toutes leurs formes, puis dans toute leur conscience collective raciale sur la Terre. Ce qui demande un grand respect de l'individu. À ce moment-là, Bernard, est-ce que l'inquiétude, c'est les fissures dans le phénomène de la personnalité, c'est les fissures dans la fragmentation du rayon? L'inquiétude, c'est une forme d'ignorance. Si on le regarde là, occultement, là, de l'inquiétude, c'est de l'ignorance des lois occultes qui nous moulent, qui nous programment, qui nous mettent en mouvement dynamique dans la vie. Mm-hmm. Un homme, je vous donne un exemple. Comment je pourrais vous donner un exemple? Supposons que ma maison brûlait demain matin. Mm-hmm. Bon, j'arrive chez nous, ma maison brûle. Je pourrais pas vivre le phénomène, l'événement comme vous autres. Là, j'irais à parendant, je dirais, c'est quoi cette affaire-là que ma maison brûle? Là, j'aurais une réponse, à mon niveau, là, si tu veux, là, qui me dirait, bon, ben, t'as fini de vivre au Québec, tu t'en vas ailleurs, ta maison brûle, puis t'as plus besoin de ça. Mais émotivement, je suis capable de le prendre. Dans le sens que je sais, à cause des lois occultes puis comment ça marche, je sais que je m'en construirais une meilleure puis une plus belle ailleurs. J'aurais les forces créatives m'en faire une meilleure. Fait que si ça prend que ma maison brûle pour que j'aille ailleurs, ça va brûler. Tandis que l'homme inconscient, lui, il voit pas ça de même. Sa maison en brûle, puis il vit la phénoménologie de l'événement d'une façon dysfonctionnelle. C'est-à-dire qu'il vit l'événement de façon existentielle. Il est pas capable de vivre l'événement sans y mettre une valeur. Puis comme il est pas capable de vivre l'événement sans y mettre une valeur, il vit de l'inquiétude. C'est les valeurs, finalement. C'est les valeurs qu'on perd ou qu'on peut perdre qui font l'inquiétude. Ben oui, effectivement, ou des valeurs qui ne conviennent pas à la valeur qu'on voudrait mettre sur un événement qui crée de l'inquiétude. Puis ça fait partie du jeu de la vie, du jeu occulte de la vie. Puis c'est pour ça c'est pour ça qu'on dit, bon, mais l'homme, il est sur le stage, puis on est des acteurs sur un stage. Shakespeare dit, on est des acteurs sur un stage. Moi, je suis pas intéressé à être un acteur sur un stage. Autrement dit, vivre sur la terre, pour moi, c'est pas être un acteur, c'est un stage. C'est être le stage. Okay. Moi, je m'arrange pour être le stage. Autrement dit, je m'arrange pour pivoter sur ma propre vibration, sur ma propre énergie, quels que soient les événements. Tandis que l'homme, lui, est un acteur. Puis tout le monde croit ça. Shakespeare nous a dit ça. On est des acteurs, c'est un stage. Fait qu'on reste, on demeure des acteurs sur un stage forever. Ça veut dire qu'on demeure constamment des créatures, au lieu de devenir des créateurs, autrement dit, des êtres réellement intégraux, des êtres qui sont capables de réellement utiliser leur vibration, leur énergie à un niveau totalement mental. C'est-à-dire à un niveau qui est disconnecté des valeurs qui font partie de la conscience de la race. À ce moment-là, mais l'homme devient, sur le plan matériel, techniquement intouchable, dans le sens que émotivement, il est plus brûlé par la diffraction de son rayon. Il est plus affecté par ça. Il y a toujours des ressources, parce que il est connecté à sa propre infinité. Il est connecté à sa propre source. Pendant l'évolution, on a parlé de Dieu, puis on a parlé de Dieu. Fait qu'on s'est créé une infinité. Puis on s'est aperçu que même si on croit en Dieu, ben on se fait chier pareil. Pourquoi? Parce que le concept de cette infinité-là, c'est un concept qui est astral. C'est un haut concept astral, mais ça ne nous donne pas accès aux lois occultes de la vie. Ça ne nous permet pas de comprendre comment est-ce que l'homme sur la Terre vit sa programmation, donc son incarnation par rapport à des événements. On n'est même pas capable de comprendre d'une façon objective la nature de notre propre signe astrologique. On a des astrologues qui nous l'expliquent. Bon, on n'est pas capable de comprendre la dynamique de notre astrologie parce que pour nous autres, notre astrologie, c'est foncièrement une programmation qui fait partie de notre incarnation au lieu de comprendre que notre astrologie, c'est de l'information qui fait partie du magnétisme des planètes qui est totalement raccordée aux archives de l'âme dans l'incarnation. Si on savait ça, bon, je vais prendre certains aspects de ma propre astrologie. Comme vous me l'avez déjà dit, mon soleil est en opposition avec Pluton. Conjoint. Bon, mon soleil est conjoint avec Pluton. Pour moi, il est en opposition avec Pluton. Ça veut dire que ma lumière, ma force est toujours en lutte contre les oppositions, contre l'obstacle. Fait que sachant ça, ben, si je vis des événements qui vont toujours être en obstacle avec ma force, éventuellement, ces événements-là, je vais y brûler. Je vais y brûler dans le sens que je ne mettrai jamais d'émotivité dans des événements parce qu'à ce moment-là, c'est Pluton qui aura l'avantage sur mon soleil. Fait qu'éventuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les atmosphères astro, les faiblesses, les failles, les craintes, la longueur des temps de l'expérience humaine, ben, éventuellement, ça disparaît. Puis éventuellement, t'en arrives éventuellement à contrôler ta vie, c'est-à-dire à pouvoir digérer la dysfonctionnalité magnétique des planètes qui couvrent ton soleil. Une fois que tu comprends puis que t'es capable de digérer la dysfonctionnalité plutonienne, t'es capable, à ce moment-là, de vibrer tellement au niveau de ta lumière, donc de ton soleil, donc de ton esprit, pour rendre Pluton totalement inefficace à t'influencer émotivement sur le plan mental. À ce moment-là, tu n'es plus affecté par ton astrologie. Donc, tu as une conscience universelle, tu as une conscience intégrale, tu n'es plus dans la personnalité, tu es dans la personne, et qu'il se passe n'importe quoi. de la naissance à la mort, du passage du plan matériel au plan éthérique. T'es toujours en contrôle. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable, pour un instant, de perdre conscience. Mm. Fait que ça fait partie de l'évolution de l'âme. Fait qu'à ce moment-là, des inquiétudes, t'en vis plus. Mm. Mais ça, faut être monolithique. Là, comme... Tu faut que tu sois monolithique, faut que tu sois en dehors de la conscience de la race. Tu ne peux pas vivre tes émotions ou l'évaluation psychologique que tu apposes à la construction systémique de ta vie, qu'on appelle la programmation, en fonction de la mémoire de la race. Parce que la race va toujours te retenir. La mémoire de la race est toujours plus ancienne que toi. La race a toujours plus de mémoire que toi. Fait que si tu viens au monde d'une nation indienne, c'est évident que tu vas avoir de l'Indien en toi. Si tu viens au monde dans une nation africaine, irlandaise, italienne, whatever, tu vas toujours avoir de l'Italien en toi, de l'Africain en toi, au lieu d'être intégralement toi-même, c'est-à-dire un être qui a la capacité d'épouser sa destinée de façon sciente, au lieu d'un être qui vit constamment sa programmation par rapport à des traces de break. Pour moi, être né dans une race, ça fait partie de la programmation. C'est pas une finalité. C'est un début de conscience. Fait que si tu viens au monde indien, ou si tu viens au monde en Arabie, ou si tu viens au monde en France, c'est un début de conscience. T'es plongé dans cette incarnation-là pour prendre de l'expérience au niveau de l'âme. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais un jour, faut que ça arrête, puis que t'arrêtes d'être un maudit français. Ou que t'arrêtes d'être un Italien naïf. Ou que t'arrêtes d'être un Irlandais avec une tête de cochon. Ou que t'arrêtes d'être un Chinois qui est mystifié par le culte des ancêtres. Ou t'arrêtes d'être un Africain qui a peur des esprits. Ou t'arrêtes d'être un Américain qui est pogné entre le vrai puis le bon spirituel libéral. Ou t'arrêtes d'être un Québécois qui a toujours un crise de complexe d'infériorité. Ou t'arrêtes d'être un Anglais qui pense qu'il est un petit peu plus évolué que le reste de la planète. Ou t'arrêtes d'être un, je sais pas moi, un gars du Venezuela qui se prend pour un nombre du monde en Amérique du Sud. Ou t'arrêtes d'être un Mexicain qui a l'impression qu'il est réellement né pour faire des grands choses. Ainsi de suite. Tu comprends-tu? Fait que t'es libre, finalement, de ce que j'appelle la nationalisation de ta mémoire. Ouais, ta mémoire nationale. Québécois, chinois, anglais. Who gives a shit? Tu comprends? T'es un être intégral. Fait qu'à ce moment-là, quand tu rencontres un Chinois, tu rencontres un Mexicain, Vénézuélien, tu rencontres un Haïtien, tu rencontres n'importe qui, tu rencontres l'être humain sur la Terre qui est programmé planétairement, tu le rencontres avec respect parce que tu connais la game. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, ben, quand tu vas au Mexique, ben, t'es capable de dealer, puis amener de la lumière au Mexicain, amener de la lumière à l'Africain, amener de la lumière à l'Irlandais, puis pas te faire prendre dans leur game, puis là, à ce moment-là, tu peux faire évoluer un petit peu, le faire voir quelque chose d'autre. Mm-hmm. Sans ça, ben, tu joues encore leur game, puis t'en sors pas, cette affaire. Là, est-ce que la mémoire de la race, c'est la base de toute la mémoire? La mémoire de la race, c'est la base de toute la conversion émotive de ton mental par rapport à la mémoire que tu as de tes origines. Mm-hmm. La mémoire de la race, c'est une convention, mais qui est tellement imprégnée dans ta conscience de tes cellules que tu n'es pas capable, en tant qu'ego, de te dissocier d'elle parce que ton rayon il est trop fragmenté, parce que, comme l'homme, le vit. Tu penses que tu penses. Si tu penses que tu penses, t'es fait à l'os. Le radio qui pense que c'est lui qui parle, il est fait, le radio. S'il n'est pas capable de se connecter à CKVL ou à d'autres choses, il est fait. Fait qu'on est tous des radios, puis on pense tous que ça vient de notre petite boîte noire. Il va falloir un jour qu'on se réveille. Fait qu'à ce moment-là, si tu penses que tu penses, puis t'es pas capable d'en arriver à prendre conscience que la pensée vient d'ailleurs, puis que le cosmos c'est grand, puis l'univers c'est grand, puis ainsi de suite. On est fasciné par la biologie, puis on est fasciné par les microbes, puis on est fasciné par le microcosme. Mais on a de la misère à rentrer dans le macrocosme. On a réellement de la misère à établir des paramètres de conversion de notre énergie mentale en tant qu'entité entité incarnée, puis des mondes dont les grandeurs sont tellement vastes qu'on ne peut même pas penser à ça. Pour connecter avec ces mondes-là, il faut que tu ailles par vibration. Comprends-tu? Fait que on a du chemin à faire, puis c'est normal, ça fait partie de l'évolution. Mais c'est pas parce qu'on a du chemin à faire que faut qu'on reste indéfiniment de façon statique, incapable d'apprivoiser nos craintes. C'est là qu'on a. Fait que si tu veux pas apprivoiser tes craintes, puis tu peux pas avancer dans des domaines qui sont en général, qui font pas en général partie de ce qu'on appelle la conscience des masses, à ce moment-là, tu ne peux pas être ton propre Léonard de Vinci. Tu peux pas être ton propre Michel-Ange. Tu peux pas être ton propre Copernic. C'était pas évident pour Copernic d'arriver et de dire bon ben ça marche pas de même, ça marche de même. Il aurait pu se faire couper la tête. C'était pas évident pour Léonard de Vinci d'arriver avec des théories qui défiaient la science de son temps. C'est la même chose aujourd'hui. C'est pas évident pour l'homme d'en arriver à défier la science de son temps, surtout dans un temps où la science est extrêmement logique, supportée par des fondations très, très académiques, très cartésiennes. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça fait 100 ans qu'on commence à faire de la science. Fait qu'il faut pas qu'on s'imagine, parce qu'on commence à faire un petit peu de science, mais on est rendu sur la lune, là, avec nos poutes-poutes, là, que c'est fini, la science, là, tu sais. Les computers nous commencent à nous le démontrer, là. On est rendu dans le virtual reality, là. Puis c'est rien, ça. C'est de l'enfantillage, ça. Mm-hmm. Fait qu'un scientiste qui serait pas capable de dire, bon, ben, dans 200 ans, on va être rendu là, t'sais, comme le gars qui était à la tête de Hudson Institute en 1954, puis qui disait « We will never go to the moon », c'est quand même le Hudson Institute aux États-Unis. Mm-hmm. C'est un vrai sans dessin, cet homme intelligent-là. Mm-hmm. Tu comprends? Fait que, il faut qu'un jour qu'on réalise que la vie, c'est très vaste, c'est très grand, puis il faut qu'on la maîtrise. Puis la vie, tu la maîtrises au niveau de ton corps émotionnel, de tes émotions, parce que ce sont tes émotions qui te connectent à la mémoire de la race. C'est tes émotions qui te lient dans le passé. C'est tes émotions qui t'empêchent de faire le saut. Mm. C'est tes émotions qui t'empêchent de réaliser finalement ce que chacun de nous autres sait quelque part dans notre être, qu'on est unique. L'être humain, c'est unique. On est unique. On est toute une petite pochette de lumière, puis on a toute notre vibration, puis cette lumière-là est faite de la même incandescence, du même feu cosmique, mais elle a différents taux vibratoires. On est tous uniques. Comment les gens peuvent situer leur unicité? Les gens vont situer, vont comprendre, vont commencer à apprécier l'unicité quand ils vont être capables de supporter qu'ils le sont. Supporter vous serez, d'être unique. Je vous donne un exemple. Vous allez dire, bon, ben, je vous donne des exemples réellement simples. Vous allez dire, bon, ben, là, tout le monde jogue. On est rendu dans le jogging, là, ça vient des États, là-bas. Tout le monde jogue. Mon boss, il jogue. Ma secrétaire, elle jogue. Mon cousin, il jogue. Ma belle-mère, elle jogue. Le gars à côté de chez nous, il jogue. Sacrement, qu'est-ce qu'il y a avec moi? Je jogue pas. Ah, là, tu commences à jogger. T'as pas la vibration pour jogger. T'as pas le cardiaque pour jogger. Mais là, tu t'en vas jogger, puis tu mets tout ton système artériel, tu le débalances. C'est pas fait pour tout le monde, jogger. C'est pas fait pour tout le monde, faire du ski. C'est pas fait pour tout le monde, faire du brass. C'est pas fait pour tout le monde, faire du tennis. Mais tout le monde le fait, fait le don. Hein? Tout le monde le fait. Ça nous est dit à la télévision, tout le monde le fait, fait le don. Fait que pour des raisons sociologiques, socio-économiques, ça a de l'allure parce que ça permet de créer une sorte d'atmosphère de rafraîchissement de nos organes. Bon. Mais parmi tout ça, de tout le monde le fait, fait le don, il y en a qui ont des crises cardiaques. Fait que l'homme respecte pas son individualité parce que tout le monde le fait, fait le don. Faut que tu le fasses. Fait que de rendu, tu t'en vas sur les pentes de ski, t'as pas le système. Tes jambes raides, t'as un système nerveux qui est totalement déphasé avec tes jambes. Tu t'en vas sur les pentes de ski, tu te casses une jambe. Fait qu'on fait ça tout le temps. On n'a pas d'individualité. Puis après ça, on va aller dans les sciences occultes, on va aller dans l'ésotérisme, on va étudier ce que l'Université de Montréal nous enseigne pas, heureusement. C'est vrai. Tu comprends, vas-y? Fait que respectez-la, votre individualité. Un jour, il va falloir que l'homme comprenne que ce qu'on est, t'es supposé d'être de même. T'es né à Verdun d'une petite famille, d'un père qui bouille pis d'une mère qui putasse. T'es né d'une famille à Westmount, ton père est médecin pis ta mère, c'est une grande dame. Tu l'as choisi, ça. Ben, commence à travailler avec ça. Fait que c'est pas parce que t'es né à Verdun que ton père est ta mère pitasse pis ton père bouille que t'es pas capable de devenir un grand être. Parce que venir au monde à Verdun d'une situation de même, ça va demander une grande transmutation de tes émotions pour réellement éteindre la mémoire de ta race puis te projeter dans ta propre individualité pour faire un grand homme. Il y a des grands hommes qui sont nés des petits patelins. Puis il y a des hommes qui sont nés dans des grands patelins puis sont devenus des patins. Fait que, tu sais, il faut que tu te réveilles un jour puis il faut que tu te prennes en main. Faut que tu réalises que ce que t'es fait de même. Vous êtes toujours prêt à dire, bon, ben, Dieu nous a fait de même. Bon, vous avez pas une conscience occulte de toute la machine en arrière, là? Bon, ben, si Dieu t'a fait de même, prends-toi comme Dieu t'a fait, puis pars avec ça. Mais c'est pas ça qui arrive. Là, tu commences à regarder à gauche. Lui, il jogue. Lui, il fait du patin. Lui, il a un beau char. Lui, il a une belle femme. Lui, il a pas de boutons. Moi, j'ai des boutons. Fait qu'on passe notre vie à nous comparer aux autres. Puis tu te demandes pourquoi est-ce qu'on n'en arrive pas à 20 ans, 30 ans, au moins 30 ans, à rentrer dans notre identité. Au moins à 20 ans, on devrait rentrer dans notre identité à 20 ans. Fait qu'on attend. 30 ans, 40 ans, 50 ans. 50 ans, tu commences à regarder l'heure. 50 ans. 60 ans, ta montre a commencé à arrêter. 70 ans, tu l'échappes à cause. Puis 80 ans, oublie ça, elle rouille, elle marche plus. Fait que la vie, ça devient plat. Tu sais? Il y a des deadlines. Il y a des deadlines? Ouais. Les deadlines qu'il y a, on s'y impose. Ça n'a pas de deadline. Un jour, il va falloir que le monde comprenne que la vieillesse, ça n'existe pas. Va voir un bon vieux, là. Va voir ma mère. Va voir ma mère, là, puis m'en dit, Madame Intel, là, vous sentez-vous 81 ans? Elle va dire, non, je me sens comme 55. C'est dans ta tête. L'esprit, c'est pas corporel. L'esprit, c'est d'autres choses. Du moment que t'es pas malade, puis tu te sens bien, puis tu fais tes petites marches, c'est comme si t'étais normal. Fait que les deadlines, on s'y impose, puis on s'y impose très, très, très, très jeune. On commence quand on a 7 ans, puis on commence à se comparer aux autres, ainsi de suite. Puis on fait ça toute notre vie, se comparer aux autres. Finalement, là, il arrive là, du monde là, avec des grandes idées de occultistes, ésotéristes, les Rose Croix, toute la bébelle, toute la patente, extraordinaire. Puis là, là, toi, là, tu commences à regarder ça. Moi, il y a du monde qui vient dans mes séminaires et dit, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis ils se prennent pour des ignorants. Pourtant, c'est des ingénieurs. C'est des gens qui ont une profession. C'est pas parce que t'as jamais entendu parler de ça que t'es ignorant, c'est que c'était pas ton timing. Si t'avais trop entendu parler de ces conneries-là quand t'étais gars, quand t'étais à l'Université de Montréal, tu serais jamais devenu ingénieur. Fait que t'étais protégé de ces affaires-là pour devenir un ingénieur. C'est bien plus important que tu sois un ingénieur que de connaître ces affaires-là, parce qu'il y a du monde qui connaît ces affaires-là pis sont sur le bien-être social. Fait que, tu sais, ça va loin l'affaire. Mais la façon que vous parlez... Si on veut se protéger de l'occulte, c'est jamais touché. Tu sais, c'est comme si... Je vais dire quelque chose. Je vais te conter une petite histoire de mes vies. En 69, quand j'ai vécu ma fusion, juste quelques mois avant. Je n'étais pas avancé comme vous autres dans ce temps-là. Tu sais, je faisais pas ça de la recherche. Moi, j'étais à l'école. J'étais un intellectuel. Puis quelques mois avant, il y a quelqu'un qui m'était arrivé à la maison puis qui m'avait dit, Bernard Reed, s'il m'avait montré un livre, qui est connu de vous autres dans la population? Steiner, le frère. Non, c'était pas un livre de Steiner. Puis, j'avais ouvert le livre, mais je vais vous le nommer, le livre, c'est la Cosmovini du Lancien. Il m'avait montré ce livre-là. Puis j'ai regardé ça un petit peu, j'ai feuilleté ça. Puis sais-tu qu'est-ce que ça a été quoi mon intuition? Parce que moi, je ne savais pas que je pourrais être fusionné. Là. Tu sais, moi, j'étais à l'école, comme tout le monde. Puis ma perception, quand j'ai lu ce livre-là, qui est très vaste, ça a été que, pour moi, c'est un livre dangereux. Un gars là qui est pas équipé là, puis qui s'énerve puis qui dit ça trop là, je trouvais ça pas mal too much. Puis quand même, j'avais un bon cerveau, j'étais capable de lire cette affaire là. Mais là, ce que ça me faisait vibrer dans mes corps, de gars qui devait être à l'heure plus tard être en fusion, là, mais qui savait pas ça dans le temps. Fait que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans vie, faut que tu respectes ta vibration. Puis j'avais dit à mon chum, j'ai dit, je vais le garder. Puis c'est ce que j'ai fait avec le livre, je l'ai brûlé. Pour pas que ça tombe dans les mains de quelqu'un. Ça se va apporter. Pourtant, c'est un grand livre. Puis j'invite du monde même à le lire. Mais dans ce temps-là, je n'étais pas équipé pour. J'avais pas une conscience occulte, j'avais pas de contact. Fait qu'avec mon petit intellect philosophique puis scientifique, là, c'était too much pour moi. Fait que je l'ai brûlé. Pourquoi? Parce que je suivais ma vibration. Penses-tu que je me culpabilisais et j'ai dit je veux brûler un beau livre de main? Je me disais, bon, mais c'est un livre de main qui tombe dans les mains de quelqu'un, là. Je me disais, c'est pas assez dangereux. Fait que ça veut dire quoi, ça? Que le monde en arrive donc à respecter leur vibration. Apprenez donc à la vibrer, votre énergie, comme elle vibre, là. Puis arrêtez donc de vous comparer comment est-ce que les autres la vibrent. Puis là, vous allez commencer à rentrer dans une conscience de plus en plus personnalisée. Puis éventuellement, probablement, avoir une conscience vibratoire. Puis après ça, puis être influençable. Puis après ça, réellement connaître la mécanique, puis respecter le monde. Ça voudrait dire qu'une personne qui se protège, ce qu'elle a à faire, c'est finalement, c'est protéger son rythme dans une recherche ou dans un développement quelconque. Il faut que la personne protège son rythme, parce que si vous ne protégez pas votre rythme, vous allez vous mettre sur le rythme d'un autre, puis vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des gens qui apprennent lentement, il y a des gens qui apprennent vite, il y a des gens qui apprennent direct, il y a des gens qui apprennent par curve. Les gens apprennent différemment. Moi, j'ai dit à ma fille, « You're a slow learner. » Je l'ai fait bien comprendre à ma fille. J'ai dit, « Toi, j'ai dit, t'apprends lentement. » Mais une fois que tu l'as appris, c'est « forever ». Fait que si la petite, elle commence à se comparer avec un autre qui est un fast learner, elle va commencer à avoir des complexes. J'ai dit, toi, t'es un slow learner. Fait que j'ai dit, respecte ça que t'es un slow learner. Mais quand t'es rentré dedans, tu lâches plus après. Mm. Fait qu'on est tous différents. C'est vrai. Mais on veut toujours voir, on veut toujours se comparer à l'autre, puisqu'on on fait ça toute notre vie. Puis nous autres, on est des Canadiens français, on est nés, nous autres, mm-hmm. avec une toile de fromage sur la tête. On est réellement du stock. T'sais. Fait qu'imagine-toi quand les Arabes arrivent ici, qui ont vécu des guerres, puis les Juifs qui ont vécu des holocaustes, puis les Hindous qui ont des problèmes de population, puis les Anglais qui ont conquis la terre, puis les Américains qui se pensent pour la fin du monde. Ils nous raident-tu quand ils arrivent ici? Ils disent, c'est donc merveilleux le Québec. Je comprends, c'est merveilleux. On est prêts à se faire enlever la laine sur le dos, puis leur donner la laine, de la couper pour eux autres. Parce que on n'est pas capable de vivre notre individualité. Tous les étrangers qui arrivent ici au Québec, ils disent, vous êtes tellement merveilleux. Ma femme, elle a fait venir des gens de France. Ils sont venus ici à Montréal, on les a traités aux petits oignons, on va y chercher à l'aéroport, on les met dans un motel, on leur donne des chauffeurs privés, on les suit pendant 2 semaines, on les remet dans... puis on leur donne leur cachet, puis ensuite ils s'en vont, on les amène en avion, puis ils s'en vont en France. Nous autres, on va en France, on rencontre du monde en France, puis pas du petit monde, là, des grands exégètes, puis on a de la misère à se faire payer une tasse de café, calice. Comprends-tu? On est de la misère à se faire payer une pause de café! Tu sais? Ou bien on a le sens de l'hospitalité. Ils vont nous inviter chez eux, puis ils vont nous faire une petite tartine! Nous autres, c'est le gros beefsteak chez Joe Steakhouse, puis tu sais, le bon Québécois! Bon, ça, c'est nos qualités, mais faut pas que ça devienne des défauts. Comprends-tu? Je commence à en avoir le bol, là. Fait que si je vais en France, tabarnak, ouvrez-les vos caves de vin, hostie, puis donnez-moi-en. Tu sais, veux dire, parce que moi, je vais rentrer dans la cave, puis je vais aller m'en chercher un. Tu comprends-tu? Je suis pas gêné. Pis ça va vous donner un choc. Il m'a dit, Chris, quand t'es venu au Québec, on t'a donné du vin, on t'a donné des grosses steaks à 6 pouces, hein. Ben, ouvrez tes Chris de caves de vin, calice. Calice que je viens fâcher quand je pense à ça. Maudite calice. Si, ouais. Laissez-moi sacrer, c'est bon. C'est un grand pays, ça. Il n'y a rien qu'un pays au monde où ça sac. Christ qu'on sac bien, ça. Tabarnak. J'ai dit à une Française, j'ai dit, quand vous êtes bien, bien, bien fâché, là, c'est quoi le maximum que vous êtes fâché, là? Comme moi, tabarnak, quand j'ai le faux cul, là, tu sais, calice. Puis elle me dit, oh bordel de Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, c'ti? Veux-tu bien me dire, qu'est-ce que je vais faire avec bordel de Dieu? Tabarnak de calice. Fait que j'ai dit, je comprends pourquoi je suis né au Québec. J'avais besoin d'une langue pour supporter ma vibration. Voyons. Well. Calice. Maudit calice. Oh, c'est effrayant, sacré de même. C'est merveilleux. On commence à comprendre ce que c'est une conscience vibratoire. C'est ça. C'est au-delà des mots. Bordel de Dieu. Calice. Merde alors. Tabarnak, tu peux pas changer des formes avec ça. Tu peux pas créer une évolution de conscience. Tu peux pas détruire les formes qui sous-tendent la conscience de la race. Hostie. Fait que venez-vous-en au Québec. Il y en a un Français, il vient ici de temps en temps, là. C'est pourquoi est-ce qu'il vient ici? Il s'en vient chez du gaz. C'est sa façon d'expliquer. Il vient ici de chercher du gaz. Je comprends. Calice de calice. Il vient brûler des craintes. Je comprends pas que le cœur me saute pour moi. Je vais fumer une cigarette. Ouais. C'est bon pour moi là-bas. Pas bon pour vous autres, pour moi c'est bon. J'étais allé voir mon métier avant hier. J'ai dit comment est-ce qu'ils sont, mon idiot, but. Qu'est-ce que t'as pas, sont corrects mes poumons. Je crie assis. Toutes les toxines sortent. Bon, Bon, mais Bernard. pas de fusite. Mais tu sais, ça va loin. Fait qu'on est un grand peuple, tu sais. Il y a certainement plus de science au Québec que n'importe où sur la planète, tu sais. Puis, mais seulement que faut qu'on fasse attention parce qu'on est vulnérable. On est vulnérable. À quoi? On est vulnérable à la comparaison. On n'a pas d'identité. On est en train de se former une petite identité nationale. Là. Regarde ce que ça fait au niveau politique. Mais au niveau individuel, c'est difficile pour nous autres de se former une identité parce qu'on est un peuple privilégié. On n'a pas eu de guerre. On n'a pas eu se battre. On n'a pas eu à manger des patates pendant la guerre. On n'a pas eu à manger des rats comme des autres peuples ont eu à faire. Fait qu'on a été privilégié. On est pogné entre le conservatisme européen et le matérialisme américain. On est réellement dans une belle position géopolitique. Mmh. Par contre, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, ça nous a affranchi des grandes choses. Ça nous a affranchi de notre puissance. Un jour, on va l'avoir, probablement politiquement. Puis individuellement, il va falloir qu'on l'ait. Oublie la politique, regarde un que l'individu. Puis, parce qu'on est c'est un grand peuple, le peuple québécois. Mais on est trop bon, on est trop fin, on est trop ci, puis on est naïf. Fait que quand tu commences à dealer avec du bon monde comme nous autres, des Québécois, puis tu commences à avoir des beaux parleurs comme moi, là, des sectes pis tout ça, là, à ce moment-là, on a une crise de problème. Fait que c'est pour ça que je le dis en public, du monde comme nous autres, c'est dangereux. Regarde comment est-ce que je parle. Tu sais, si je vais magnétiser une statue de bois. Fait que si t'es pas dans ton énergie, pis si t'es pas dans ton identité, pis tu cherches pas à protéger, toujours protéger, m'a dire une chose. La vie, c'est se protéger pour soi-même. La vie, là, qu'est-ce que c'est la vie? C'est apprendre à se protéger puis se protéger. Un homme qui se protège puis qui se protège tout le temps, il devient bien intelligent parce qu'il y en a des corners, OK? Mais on n'est pas tout seul dans la vie, il y a du monde, nous autres. Puis le rôle de l'individu qui est moindrement conscient, c'est de protéger les individus avec la qualité. Faut que tu les protèges. Fait que si t'es un beau parleur comme du monde, comme nous autres, faut que tu protèges le monde à qui tu parles. Faut que tu sois conscient des lois de conséquence. Faut que tu aies le respect intégral de l'individu. Fait que pour moi, être un occultiste, un ésotériste, whatever, ou un initié, whatever, c'est la plus grande responsabilité que l'homme peut avoir sur le plan matériel. Sais-tu pourquoi? Parce que là, tu joues plus simplement avec des sentiments, tu joues plus simplement avec des notions, tu joues plus simplement avec de la personnalité, tu joues avec l'esprit de l'homme. Quand tu commences là à pouvoir modifier subtilement l'esprit d'une personne, tu as une maudite responsabilité, puis si t'es pas capable d'aller à fond dans ta responsabilité, puis t'assurer que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, le gars avec lequel t'as parlé originellement dans tes hauts registres, ce gars-là, il n'en est pas arrivé à être totalement indépendant de toi, totalement dans son individualité. À ce moment-là, je veux te dire une chose, c'est bon, c'est nécessaire que des services sociaux, les gouvernements, la police, les systèmes d'information regardent, ou que le monde regarde qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés au niveau de ces gens-là qui parlent. Ça voudrait-tu dire, Bernard, que l'environnement qui nous critique, c'est une protection? Je viens de finir ça. Si t'es pas capable de protéger ton monde dans des conférences, dans ces genres d'affaires-là, à ce moment-là, ça va prendre du monde pour le faire. C'est nécessaire. Parce que ça, on finit avec des cataclysmes. C'est quoi votre question? Ma question, est-ce que c'est bon d'avoir dans notre environnement des gens qui nous critiquent? Pour justement nous protéger ou protéger les gens. OK, je vais te dire quelque chose. Tu peux pas être intelligent tout seul. Ouais. Moi, je vais te conter une chose. Moi, je suis un homme intelligent. Je suis un homme bien stable. Mais si j'avais pas ma femme dans la vie, pour toujours regarder qu'est-ce que je fais. Tu sais, moi, je suis bien créatif. On dirait que j'ai un esprit 360 degrés. Toutes mes mêmes vibrations, tout m'intéresse. Puis, si j'avais pas ma femme, je disais, bon, ben, prends saisie, là. Faut que tu te reposes. Faisant pas trop, là. Si j'avais pas ma femme pour toujours balancer mon énergie créative, je serais un bulldozer. Je mettrais probablement bien du monde en initiation. Je suis too much. Fait que, tu peux pas être intelligent tout seul. Faut que tu sois intelligent avec un autre. Ta femme, ton partner, tu peux pas. Le plus grand danger d'un homme, pourquoi est-ce que c'est dangereux des dictatures? Parce que c'est des gars qui sont intelligents tout seul. Tout ça. Hussein a dit Hitler, Staline, c'est des gens qui sont intelligents tout seul. Ça fait pas ton affaire, ils digouillent. Puis nous autres, on fait la même chose. On zigouille pas le monde, mais ce qui arrive, c'est qu'on va dire, laisse-moi la paix, c'est mes affaires, c'est moi qui ai raison. Fait qu'on participe pas à l'échange, puis ça, c'est très dangereux. Quand t'es pas capable d'écouter quelqu'un qui est techniquement en opposition créative avec toi, à ce moment-là, t'as un gros problème. T'as un gros problème. Parce que là, tu penses que t'es intelligent, puis tu te fais astraliser. Parce que, surtout quand t'as une conscience occulte, tu sais, quand t'as une conscience, surtout quand t'as une conscience bien occulte comme moi, là, puis tu travailles réellement directement avec le plan mental, t'es dans un état de fusion, là. Si t'es pas capable de dealer avec l'être humain, avec l'individu, sais-tu que c'est que tu finis? C'est fini que t'as un mariage à toi. T'as des forces, ta source, t'as toi, ton ego, plus ou moins transparent, puis t'as l'autre personne. Puis éventuellement, ces forces-là sont capables de casser ton lien avec l'homme. Puis un jour, l'homme va comprendre que les forces occultes, c'est l'infrastructure psychique de son moi au niveau cosmique. Puis ça, dans la matière, faut que ça soit balancé entre lui et l'homme. Pis c'est ça. C'est pour ça que dans l'évolution, on est allé nulle part au niveau de la conscience. Parce que on a spiritualisé notre lien avec l'invisible. Mais on n'a jamais établi un lien avec l'âme. Fait que l'invisible nous a astralisé, puis nous a astralisé, puis nous a astralisé, puis aujourd'hui, ben, on se trouve où ce qu'on est. On n'a pas de conscience d'être de soi. On n'est pas dans notre personne. On n'a pas d'identité. On n'a pas de centricité. Pourquoi? Parce qu'on est astralisable. Fait qu'un être humain qui est moindrement intelligent, pour moi c'est une mesure, un être humain qui est moindrement intelligent, faut qu'il soit capable d'être mis en check. Ça prend un système de check and balance. Pourquoi est-ce que la constitution américaine est si grande et si puissante? Parce qu'il y a un système de check and balance. Mm-hmm. Ça prend un check and balance. Puis nous autres, ben, on veut pas être checké, on veut pas. On veut être intelligent. Pourquoi? Parce qu'on a de l'insécurité, on a de l'infériorité. C'est très grave d'avoir un complexe d'infériorité. Parce que si moindrement on a un petit peu d'orgueil, ben on veut neutraliser notre infériorité par notre orgueil, puis c'est là qu'on se fait prendre. On a besoin des autres autour de nous autres. On a besoin des autres reflets pour nous faire voir peut-être un petit faille dans notre reflet. Puis là, on dit, ben, merci, je l'avais pas vu, là, je l'avoue. L'autre, merci, je l'avais pas vu, là, je l'avoue. Si on n'a pas ça, un homme qui n'est pas capable de se faire faire une remarque par un autre être humain qui est intelligent, qui est sensible, qui est perceptif, un homme qui est pas capable de subir ça d'une façon gracieuse, c'est un homme qui, pour moi, est déjà en potentiel perdu dans le temps. Puis s'il s'en va dans l'occulte, il est perdu. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent faire le check and balance et d'autres qui ne peuvent pas être check and balance? Tout le monde peut le faire, seulement il y a des gens qui ont peur de le faire. Parce que souvent, tu vas arriver, tu sais, c'est quand tu arrives avec des grands parleurs comme moi, là, tu sais, on a quand même une certaine force, on a quand même une certaine centricité qui peut être réelle ou qui peut être forte. Mm-hmm. Tu sais? Fait que, dans un sens, c'est comme si un petit peu on est des dictateurs. On dicte. Fait que si t'as pas quelqu'un pour te mettre en échec, parce que le monde sont ébahis par toi ou les mondes sont fascinés par toi, à ce moment-là, qui c'est qui paye? Toi, tu vas payer parce que un jour, faut que tu sois mis en échec, puis le monde paye. C'est comme dans une dictature politique. Le dictateur, il paye. Une fois un jour, il se fait crisser à la porte, puis le peuple paye parce que le peuple souffre. Fait que l'homme, surtout l'homme qui s'en va en évolution de conscience, puis les gens qui sont en train de regarder un petit peu là en dehors de la périphérie purement cartésienne des connaissances, ils ont la responsabilité, s'ils sentent quelque chose, de mettre les beaux parleurs en échec. Puis si le beau parleur en échec se fait pas mettre en échec, puis qu'il y a trop d'orgueil spirituel, à ce moment-là, regardez ça, puis vous allez voir qu'un jour, ça va éclater dans le fret. Puis un jour, ben, vous allez dans votre propre direction. Bon, dans notre vie, on rencontre. Les gens sont appelés à rencontrer des dictateurs. Peu importe la forme de dictateur, on rencontre un jour ou l'autre des dictateurs. Et la responsabilité vis-à-vis du dictateur, c'est-tu, quand on subit son magnétisme, c'est-tu à nous autres de briser ce magnétisme-là ou c'est au dictateur à changer? Ça dépend. Si c'est un dictateur qui éventuellement a le potentiel de devenir un roi philosophe, il va vous voir. Il va écouter. Parce que qu'on soit dictatorial au début, c'est quasiment normal parce qu'on n'est pas habitué. C'est fort, ça, cette affaire-là. T'sais. Fait qu'il faut qu'on on fait nos armes. On apprend à intégrer. Moi, ça m'a pris 14 ans pour intégrer cette énergie-là. Puis pas être manipulé par cette énergie. Que moi, je run. Fait que ça se fait pas d'un jour à l'autre. T'sais. Fait que qu'on soit dictatorial dans, pendant une certaine période, c'est correct. Mais si on a de la lumière, si on a de l'humilité, si on n'est pas vicié par l'orgueil spirituel que je honnis, à ce moment-là, quelqu'un vient nous voir et dit, puis nous parle. À ce moment-là, bon, on a assez de lumière pour écouter. Mais c'est quand tu n'as pas de lumière, puis tu es manipulé, puis tu es possédé par tes propres forces occultes, là, à ce moment-là, il est temps que quelqu'un te donne un choc un jour. Il est temps que quelqu'un un jour te fasse voir leur juste. Mm-hmm. Parce que toi, tu vas te perdre, puis tu vas en perdre d'une gang. La gang qui se perd avec le dictateur, est-ce qu'elle est responsable de se perdre, ou c'est le dictateur qui est responsable, ou s'il n'y a tout simplement pas de responsabilité? Il y a une responsabilité occulte, mais ça fait partie de l'expérience de l'âme. Lui est avoué à ça, puis les autres aussi. Mm. Ce qui est arrivé en Suisse, là, puis à Mornight, ça fait partie de ça. C'est leur naïveté, là. C'est leur naïveté. La naïveté de deux bords. La naïveté du gars, là, qui était naïf, occultement parlant. Puis la naïveté de ceux qui étaient avec lui. Fait que ça fait partie de l'expérience de l'âme. Mais, tu t'imagines, moi, si j'avais connu ce gars-là, c'est évident qu'il y aurait eu un crise de choc. Mm-hmm. Tu sais, parce que tu peux pas me passer des petites vites, moi. Mm. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça aurait été quoi? Soit que je l'aurais pénétré pour y faire voir clair, ou il aurait dit, bon, c'est une crise de gars-là, parlons à Montréal, là, je m'en vais, mais je fais mes affaires moi-même. Mm. Fait que c'est de même que ça marche. Peut-être qu'il y a eu avantage de me rencontrer, lui. C'est pour n'avoir un choc pour y voir White Lair, parce que moi, je suis capable de donner le choc pour White Lair. Dans ce que le monde, mais c'est difficile. C'est des beaux parleurs. Mais curieusement, les gens qui ont avantage à vivre un choc, comme vous parlez, c'est des gens qui fuient les gens qui peuvent leur donner un choc. Ouais, c'est très vrai. C'est comique, hein? Ouais. Regardez les gros parleurs ou les beaux parleurs que vous dites. Là, je donne un exemple. Prends dans le monde des affaires. T'sais. On a toujours tendance à s'entourer des faibles. Les gens qui ne nous menacent pas. Les gens qui ne vont pas rentrer dans notre territoire. Sont-ils fins? Puis lentement, sans qu'on s'en rende compte, malgré notre volonté, on s'astralise, on les englobe. Quand est-ce que l'homme s'occupe réellement de protéger l'homme en affaires? Quand est-ce qu'en affaires, un bonhomme d'affaires, là, tu t'imagines un bonhomme d'affaires là, dans le sens là, réellement là, conscient du terme? Un bonhomme d'affaires, il ferait des affaires d'or. Pourquoi? Parce qu'il protégerait les gens avec lesquels il est en affaires. Il vend des services, il appelle le gars, il dit, « Y'es-tu bon char que je t'ai vendu, là? » Il est-tu à l'ordre, le char? Moi, j'ai vendu un char là, à quelqu'un en province à Québec, là, il y a 6-7 mois. Là. Puis j'ai dit, bon, ben, il m'a de vendre mon char, là, puis attends qu'il soit bien en ordre, mon char. Il m'a pas de vendre un char pour que tu sois obligé d'arriver au garage le lendemain. Puis quand je le vois, comment est-ce qu'il est ton char? Il est-tu correct, le char? Mm-hmm. C'est ça de la conscience, c'est ça du respect pour l'homme. Si on faisait la même chose en affaires, si on faisait la même chose dans les sciences, surtout ésotériques, à ce moment-là, il n'y en aura pas de problème. Mais c'est pas ça qu'on fait. On perd la notion. On perd la notion de protéger l'homme. On réalise pas qu'on doit protéger l'homme toujours contre notre propre astralité. Puis c'est pour ça que ça arrive, des choses comme ça. C'est notre responsabilité de protéger l'individu. On a de la misère à protéger nos enfants. Ça fait que le problème de respect, le protège. D'ailleurs, ça n'a pas été suffisamment exploré, ça, au niveau psychologique. Ben, je parle de la psychologie profane. Ça n'a pas été suffisamment exploré, ça, la phénoménologie de la protection de l'autre. On devrait écrire un discours, un grand livre épais un jour sur l'importance capitale de protéger l'autre, qu'on dirait notre frère, l'être humain, le protéger contre nos propres frères. Ça, c'est d'abord reconnaître nos failles. Les reconnaître, parce que si tu ne reconnais pas, puis tu me dis, ben, moi, je suis brave Montréal, Christ, tu vas pas m'enseigner lequel, papa, je fais la minute que tu n'es pas capable d'arriver à moi et de dire, hey, ça, c'est pas exactement ça, ça peut être ça. C'est à moi de le prouver de façon consciente, créative, puis que toi, tu le comprennes de façon consciente, créative, à partir de ton propre rayon. Tu dis, ouais, c'est de même. Mais là, ben, de te l'imposer, c'est de la dictature. Fait que là, c'est dangereux. Fait que c'est là que je dis que du monde comme moi, ça devient dangereux. Puis c'est pour ça qu'on protège pas notre monde. Puis c'est pour ça que ça arrive, des situations de même. Votre lumière, vous l'avez souvent exprimée comme étant une dictature sur votre personne. Vous avez eu à casser cette dictature-là un jour dans votre vie. Vous aviez à vous protéger comment? Comment ça s'est passé, le mécanisme qui a fait que vous... Que je t'ai cassé? Ouais. En réalisant que l'amour que j'avais pour ma femme était plus important que l'amour que j'avais pour les forces occultes. OK. T'sais, quand tu es en communication avec l'invisible sur le plan mental, là, c'est du stop. Puis un jour, il a fallu que je réalise, que je dise, OK, c'est assez, là, puis j'ai fait un contrat avec eux autres, j'ai dit, jamais ma femme ne souffrira initiatiquement avec moi. Ma job à cette heure, là, que je vous ai cassé, là, le mouvement vertical, faut que ce soit horizontalisé. Fait que c'est ma femme qui vient en premier dans ma vie sur le plan matériel. C'est plus vous autres. Puis on dit, c'est ça, faut que tu fasses. Mais ils vont pas te le dire d'avance. T'es initié. Tu vis des tests. Les samouraïs vivent des tests. Tu vis des tests. Fait que si t'as passé de lumière pour l'avoir été fait à l'os. Fait que rendu dans ces registres-là, laisse-moi dire que c'est pas évident. Fait qu'on le sait à cette heure. On connaît l'existence du mensonge cosmique. C'est descendu, cette science-là. C'est à nous autres de nous protéger. C'est à nous autres de le vivre, le système de check and balance. C'est à nous autres d'être capables de pouvoir nous faire mettre en échec par une autre intelligence, pouvoir le reflet dans l'autre pour que nous autres, on puisse ajuster notre propre reflet. À ce moment-là, ben, on est safe. Mm-hmm. Fait que tu peux étendre ça de 2 personnes à 4 à 10 à 20 à 30. Puis t'es toujours safe. Pourquoi? Parce que t'as plus la vanité d'esprit. T'es plus possédé par ton esprit. T'es plus possédé par ta lumière. Les gens qui pensent que la possession, c'est incastral. Les gens qui pensent que la possession, ça fait une partie des forces sataniques, sont dans l'illusion. C'est pas que les forces sataniques qui sont capables de posséder les hommes. Même les forces de la lumière sont capables de posséder l'homme. Mm. Puis un jour, c'est son rôle à l'homme de casser ça. La seule différence, c'est que si t'es avec des forces sataniques, tu pourras jamais le faire parce que ta vibration est passée haute. Tandis que si t'es possédé par les forces de ta lumière, t'as déjà de la lumière. Mais un jour, le courant qui vient de l'Hydro-Québec, dans ta maison, faut que ce soit toi qui sois capable de contrôler la switch. C'est ça, l'intégration d'énergie. Puis c'est ça qui va être le plus dur pour l'homme de l'avenir à faire. Mais là, je vous écoute parler, on a de l'air à pouvoir casser une dictature par l'amour qu'on a pour quelqu'un. Pour casser une dictature, si tu aimes l'homme, tu peux casser la dictature occulte des forces, si tu es un initié. Mm-hmm. Si tu aimes l'homme, tu es capable de casser la dictature politique. Un dictateur là, qui se réveille un jour, qui rencontre le pape, qui se fait remplir un petit peu de lumière, qui s'en retourne dans son pays, qui se fait mettre un peu de plomb dans la tête, qui s'en retourne dans son pays, qui regarde, là, puis qui voit qu'il y a eu des abus, qu'il y a eu des meurtres, qu'il y a eu ci, là, qui se retourne d'abord, puis que la générosité puis l'humilité de dire, bon, ben, là, j'ai fait des erreurs, là, là, je vais redonner à mon peuple ce que j'ai enlevé, il deviendra un grand président. Le peuple aurait la capacité de résorber son inconscience, puis donner un vote de confiance, puis il deviendra un grand homme. Quand on dit que Paul a péché, puis que des grands hommes ont péché, Pierre a péché. Fait qu'on a tous péché. Seulement qu'à un certain moment donné, même si on a péché un jour, faut qu'on arrête. Puis pour des gens qui sont dans l'occulte, péché, puis ça c'est moi qui vous le dis, péché quand t'es dans l'occulte, c'est ne pas protéger par l'amour l'être humain. Si tu protèges pas ta femme, ton chum, tes amis avec lesquels tu es en relation de travail occulte, à ce moment-là, en ce qui me concerne, tu pèches en esprit. C'est-à-dire que tu empêches ton esprit de descendre sur le plan matériel puis d'allumer les autres parce que ton esprit est déjà vicié par la vanité, par l'orgueil, par la naïveté, par ignorance. Puis à cette heure que le mensonge cosmique est connu, à cette heure que les initiés sur la Terre savent, même si tout le monde ne le sait pas, c'est écrit, c'est descendu, ça a été dit que le mensonge cosmique existe, que la relation entre l'homme et les sphères, que le mensonge existe entre l'homme et les sphères, que le mensonge astral existe, que le mensonge cosmique existe, puis c'est le rôle de l'homme de casser ça pour entrer finalement dans l'intégralité de sa lumière. Une fois que c'est dit, que la loi est établie, qu'elle est écrite, c'est les murs. C'est à l'homme qui s'en va en évolution de conscience, qui commence à trafiquer dans la stratosphère de l'esprit, de faire bien attention, puis de regarder l'homme autour de lui, puis de protéger l'homme, puis de protéger l'homme. Puis un initié, ce que j'appelle un initié, c'est un homme qui travaille dans des registres subtils d'une conscience conscience vibratoire, sa responsabilité sur la Terre, c'est pas de donner de la connaissance occulte à l'homme, c'est pas de révéler à l'homme les mystères de la mort, puis les mystères des planètes, puis les mystères de ci, puis les mystères de ça, c'est de protéger l'homme d'abord. Parce que si tu protèges l'homme, tu vas l'amener éventuellement à reprendre le contrôle de son rayon. Tu vas amener l'homme à réaliser qu'il est intelligent, qu'il a de la lumière, elle va grandir, la force en lui va grandir. Il n'y aura pas besoin de subir même des possessions d'énergie vibratoire à des niveaux que toi et tes véhicules t'as initié. Puis l'homme va commencer à se rendre compte qu'il est intelligent. Tu vas commencer à bénéficier de son intelligence. Fait qu'il va s'établir un équilibre entre toi et puis l'homme. On a l'illusion, nous autres, là, que les gens qui sont en relation avec nous autres, faut qu'ils soient comme nous autres pour être, faut qu'ils soient comme nous autres pour pouvoir participer comme nous autres à une conscience universelle. C'est une illusion. La conscience universelle n'a rien à voir avec les registres vibratoires de la conscience individualisée. Moi, ma femme, quand elle me parle, c'est ça, c'est final. C'est évident que ma femme, elle peut pas venir ici pour vous parler comme je vous parle. Elle n'a pas le taux vibratoire. Mais elle a l'intelligence, la lumière, pour être en harmonie vibratoire au niveau universel avec ma conscience, la sienne ou celle des gens avec lesquels elle est. Puis c'est ça que l'homme doit comprendre. On est tous uniques. Ma femme, elle peut pas être comme moi, c'est tant comme moi, elle serait ici. Puis probablement, elle serait d'un corps d'homme ici. Fait que moi, je serais d'un corps de femme, là. Fait qu'on a chacun notre rôle. On est tous uniques, faut qu'on respecte notre rôle. Mais si on n'est pas capable, nous autres, en tant qu'initiés, de réellement respecter nos maris, nos femmes, nos enfants, puis surtout les gens qui viennent en contact social avec nous autres pour apprendre des choses, parce qu'on a des choses à dire, à ce moment-là, une très grande responsabilité. Puis si on est moindrement vaniteux dans le mental, puis orgueilleux dans le mental, puis qu'on pense qu'on est des initiés, nous autres, on a accès à des secrets, puis on est des messies ou des ci ou des ça, à ce moment-là, faites attention, parce qu'un jour, vous allez vous faire astraliser, puis les forces astrales deviennent de plus en plus fortes sur la planète, puis un jour, vous allez sauter, puis vous vous en rendrez même pas compte. Vous n'avez pas d'idée du pouvoir de l'astral sur la Terre. L'astral gère les affaires des hommes. Les affaires matérielles. Les affaires matérielles, les guerres, tout. Toute. La planète, l'expérience planétaire de l'homme est astrale. L'expérience de l'homme conscient est mentale. Fait qu'avant que l'homme soit mental au niveau d'une civilisation, puis qu'une civilisation puisse être mentale, puis que l'homme puisse créer dans une civilisation des systèmes de sciences gouvernementales, politiques, scientifiques, dans le sens psychologique ou métaphysique, ainsi de suite, ça va prendre un maudit bout de temps. Fait qu'en attendant, occupez-vous de votre intégralité. De vous en tant qu'être. Puis votre seule protection en tant qu'individu, c'est de protéger l'autre. Si vous ne protégez pas l'autre parce que vous êtes des grands parleurs ésotériques ou occultes, un jour, il y aura une fracture dans votre rayon suffisamment forte pour que vous fassiez une faille. Puis quand vous ferez une faille, les gens regarderont et vous diront « Ouais, il n'était pas ce qu'on pensait qu'il était. » Ou « Il n'était pas ce qu'il disait qu'il était. » Fait que si les gens un jour vous disent que vous êtes pas ce que vous disiez que vous étiez supposé d'être, ou qu'ils vous disent que vous êtes pas ce qu'on pensait que vous étiez supposé d'être, à ce moment-là, c'est parce que vous aurez quelque chose à apprendre en tant que personne supposément avancée à conscience. Puis à ce moment-là, vous allez avoir une porte à passer, puis c'est l'instruction qui est en train de se donner dans la province de Québec. Puis un jour, vous allez être obligé d'y faire face, que vous veniez des Indes, d'Amérique du Sud, du Tibet, de n'importe où, vous allez être obligé de réaliser que le respect sur la Terre de l'homme, ça fait partie de l'amour mental, puis vos connaissances occultes, même si vous pouvez parler de réincarnation, puis tout le bullshit, c'est simplement ça, du crémage sur le gâteau. C'est pas important pour l'être humain de connaître les mystères, c'est important pour l'être humain de respecter l'homme pour que lui, en tant qu'être respecté, soit capable, à sa guise, dans son temps, à son rythme, selon sa vibration, d'explorer les mystères. C'est ça l'affaire. On était tellement vampirisé par l'ignorance, l'inconscience, par la supercherie de la connaissance, par la supposée grandeur des sciences ésotériques, qu'aujourd'hui, on a une porte, puis il y en a une porte, puis je vais vous dire une chose, elle n'est pas grande la porte pour les gens qui un jour vont en arriver à réellement comprendre qu'est-ce que c'est le mensonge cosmique. Moi, j'en ai rencontré des maîtres, puis des ci, puis des ça, puis des initiés, puis laisse-moi te dire, quand tu me rencontres, t'es fait à l'os si tu comprends pas ça, parce que je vais te traverser. Parce qu'un jour, il va falloir que l'homme protège l'homme, parce que si nous autres, du monde comme nous autres, on n'est pas capable de protéger l'individu qui vient en pleine confiance. Moi, je regarde le monde dans la salle. Il y en a qui me connaissent depuis plus d'années, il y en a que c'est neuf, j'ai jamais vu. Hein. Le monde vient, là, puis t'es capable de regarder l'aura, puis le monde, c'est comme si ils font confiance. Ils ont même pas de moyens pas de faire confiance hein, tant que t'as une grande gueule comme la mienne. Fait que si t'es pas capable de protéger ce monde-là, t'as un crise de problème à long terme. Pis c'est ça, pour moi, la position de tous les fouilleux, là. les fouilleux des sciences occultes, puis les sectes, puis les religions, puis les semi-religions, de tout ce qui se passe dans le monde, là, puis qui devient de plus en plus, puis qui va devenir très, très populaire dans, au 21e siècle. Parce qu'il y a toute il y a toute une retransplantation de la conscience humaine, il y a tout un changement d'informe, il y a tout, on vit une grande révolution psychologique sur la Terre. Fait que protégez le monde avec qui vous parlez, puis arrêtez de vous prendre des initiés et des smarts, là. Puis si vous prenez des initiés et des smarts, venez faire un petit tour, venez me voir. Merci, Bernard.